Directement des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, voici les palmarins, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 18 au 24 septembre 2009. Je m'appelle Mathieu Plante et cette semaine, mais qu'on en a deux nouveautés. And we got some novelties, comme on dit. On a quelques nouvelles entrées du côté anglophone. Trois, on a Zeus, ou Zeus, Snoo et Standing Walls. Alors que du côté francophone, on retrouve une nouvelle entrée de Vanessa Parietter, Mimi Van Der Glo, Asso. Et la question, on commence avec la 20e position du côté francophone. Elle est nouvelle, elle aussi. Voici Ariel. Et Faux Filet, on est ensemble jusqu'à 20h et on s'écoute plein de bonne musique. C'est un condensé de la meilleure musique de C'est Fou. Faux tris, oubli, franche poche, approche-t-il le dernier crime? Maman, cherche-t-il la fille? Ton look, les moustiques, et tiens pas là. Standing Wall, c'est In My Nightmare, nouvelle entrée en 20e position anglophone. C'est le troisième extrait de leur album Non Sens à figurer sur nos palmarès. On a déjà eu Can't Break Me et Cité Phosphore. Ensuite, du côté franco, c'était Ariel et Faux Filet. Et eux aussi, je crois que c'est pas mal leur troisième pièce. Je me rappelle qu'on a déjà eu Chargé, Les Sorcières et la Danse des Pans. Donc, c'est leur quatrième. Hein? Quelle mémoire incroyable, ce Mathieu Plante. Ça n'a même pas l'allure. On continue avec nos 19e positions, elles sont aussi nouvelles. Du côté anglophone, c'est un deuxième extrait de l'album Snoo, du groupe Snoo, Kick It Over est le nom de la pièce, mais avant ça, voici la question, et eux aussi, c'est leur deuxième extrait. Tu sais qu'on a des succès, des fois, hein? Après Et Moi, voici Compliqué Évident. Au palmarès, c'est fou! Restez avec nous jusqu'à 20h, c'est les palmarès, c'est fou! J'ose m'imaginer être un peu mieux en temps. et Kick Me Over, nouvelle entrée en 19e position anglophone, c'est leur album homonyme. Mais avant ça, on a entendu La Question et Compliqué Évidence, c'est nouveau en 19e franco. On continue tout de suite, on saute par-dessus la 18e franco. Elle est stable, mais vraiment, elle stagne. C'est Automélodie avec Ciao, Ciao, Ciao. À la place, on va entendre une nouvelle entrée en anglo. Voici Zeus et Marching Through Your Head. Vous êtes au Palmarès, c'est fou, 89.1. Do you feel it all the time? When she preys upon your mind, she's a fiend. Je sens que ça va monter vite, ça c'est Zeus, Zeus, avec Marching Through Your Head, c'est nouveau en 18e position anglophone, c'est la dernière de ce côté-là, et vraiment c'est très très bon ça, j'adore ça, Zeus. Avant d'en sauter par-dessus, Automélodie et Ciao Ciao Ciao qui est stable en 18e, on va continuer de sauter un tout petit peu hein, pour réussir à rentrer dans nos 3 heures, on va sauter les 17e et 16e positions anglophones. C'est Surefire Machine en 17e avec 69 Nova, ça descend de la 5e place. Alors qu'en 16e, ça monte de 4, c'est New York Dolls et Muddy Bones. On les réentendra très très bientôt. Mais pour l'instant, on va l'entendre, la position numéro 17 francophone. C'est nouveau, voici Assaut et la controverse ultime. Vous êtes au Palmarès, c'est fou, au 89.1 FM. Mind. Au retour, Mimi Manerlo et Vanessa Parietter au palmarès C'est fou. Restez avec nous. Vous écoutez C'est fou 'est pas la première pièce de leur album à figurer dans les palmarès. Je parle vraiment en syllabes. Hein, ça va avec la musique. Non, mais sans blague, il y a déjà eu Québec-Canada, Tu sais, Quatre pattes. Et là, ben, c'est une autre pièce de Mimi Vanderglow qu'on vient d'entendre. C'est Karting Chrétien qui est en position numéro 16 du côté francophone. Avant ça, on a entendu Assaut qui est la 17e francophone. C'est la controverse ultime. Leur pièce, pas le groupe qui est une controverse ultime, on s'entend là-dessus. Du côté anglophone, on a sauté par-dessus les 16e et 17e. New York Dolls avec Muddy Bones et Surefire Machine avec 69 Nova. On aura probablement la chance de les entendre d'ici la fin de l'émission. Quand même. On est rendu aux 15e position du côté anglophone. Elle monte de la 19e. C'est sa deuxième semaine. Valleys et Killer Legs. Mais avant ça, on s'en va entendre un de mes groupes préférés, un des préférés à Kiwan, mon co-animateur. Tout le monde adore Vanessa Parietter. C'est eux qui font le thème d'assemblage requis qu'on anime du lundi au jeudi à 15h, faut le mentionner. Et voici l'espariétaire et le filet et l'abîme. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou. Et ça, ben, c'est au 89.1 FM. C'est fou dans vos oreilles. Please. you across the square where those drugstore lights reflect like sunbeams on the ocean. This is the room, this is the room we'll drown in. One afternoon in early spring, your mama cried, those killer lights will carry you across the square where the drugstore lights reflect like sunbeams on the ocean. Valleys et la pièce Killer Legs, pièce très tranquille. En 15e position anglophone, ça monte de 4 places. C'est sa 2e semaine. Ça vient du CD Sometimes Water Kills People. Avant ça, on a entendu Valles Parietaire, que j'adore, avec Le Filet et l'Abîme. L'album s'appelle La Mer était vide et c'est disponible en téléchargement gratuit sur valespariétaire.com. On continue avec les 14e positions tout de suite. Du côté anglo, c'est Kill the Lights avec At the Ruins. 2e semaine, ça aussi, ça monte de 4 places. Mais avant ça, voici une pièce qui est là pour la 3e semaine et elle monte de 5. Tu sais, changer les chiffres un peu. Voici Pickwick et le Soulo. Vous êtes au palmarès, c'est fou. Un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Et ça, c'est assez fou. 89.fm. On a mis les palmarès, c'est fou, assez fou, juste pour rendre ça bien évident comme nom. Hein? Qui va nous être là tantôt avec moi? Joli soir d'été, alors qu'il cherchait son chemin, Johnny était tellement bourré qu'il a vomi tout son vin. Il était quand même chanceux, car son vin est retombé sur un groupe de bleus qui traînait sur la chaussée. Ils l'ont jeté en prison pour outrage en public. 6 mois coupé des oignons l'a fait 3 pour bonne conduite. Et dès qu'ils l'ont libéré, il s'est remis à boire. Il retournait dans les cafés, on avait gardé sa place au bar. Johnny boit trop, ça lui crée parfois des problèmes. On le surnomme le Soulo depuis la fin de la maternelle. Johnny boit trop, sa mère en est super fière car il a repris le flambeau après le décès de son père. Quelques ans plus tard, toujours aussi bourré. En ressortant d'un bar, il s'est encore paumé. En bas de marée chaussée, pour vomir son vin, il a dû se contenter d'un groupe de politiciens. Il a pris 3 ans de prison car il était récidiviste. Grâce à une belle pétition, il est sorti bien plus vite. Et dès qu'ils l'ont libéré, il s'est remis à boire. Il retournait dans les cafés, on les gardait sa place au bar. Johnny boit trop, ça lui crée parfois des problèmes. On le surnomme le sous l'eau depuis la fin de la maternelle. Johnny boit trop, sa mère en est super fière car il a repris le flambeau après le décès de son père. Numéro 14. Kill the Lights et At the Ruins, c'est en 14e position anglophone. Ça a monté de 4 places depuis la semaine dernière, alors que c'était une nouveauté la semaine passée. Et juste avant ça, on avait entendu du côté francophone Pickwick avec la pièce Le Sulo. Ça passe de la 19e à la 14e. C'est un artiste français, comme vous l'aurez peut-être remarqué à son accent. À son accent. Et parlant de Sulo et d'accent, ben, Kiwan, qui vient de Drummondville, ben, il vient d'arriver. De Sulo? Ouais, ben là, je sais pas, tu bois des fois, non? Ouais, mais sous l'eau, est-ce que ça veut dire la même chose que j'ai pas écouté les paroles, je sais pas. Non, mais ça, je me demandais justement que ça voulait dire sous l'eau. On pourrait faire peut-être une recherche parce que, tu sais, c'est sous l'eau écrit comme sous l'on, mais avec un T. Donc, c'est soit une faute d'orthographe dans la feuille qu'on a. Non, il dit vraiment sous l'eau, donc on sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Bref, sous l'eau. Je suis sur Mediadico et ça dit ici sous l'art, sous l'eau ou sous l'eau. C'est tout des synonymes. Mot proche, sous l'eau. Attends une minute là. Wow. Je pensais que c'était la définition. Ce l'est pas. C'est ivrogne ou ivrognesse. Ah, c'est okay, la définition. Bon. Voilà. Bon, ben, finalement, ça s'applique à moi. Bon. Heureux de le savoir. Vous êtes au Palmarès, c'est fou, ça c'est Kiwan, moi c'est Mathieu et on est ensemble jusqu'à 20h. Ce soir à 20h, il va y avoir une rediffusion de la dernière porte à gauche de cette semaine que Kiwan anime, donc soyez là pour ça. Ah, tiens donc. Eh ben, il y avait 21h, les Lutins de l'Enfer qui, la semaine suivante, vont déménager à 20h, donc on va le dire fréquemment. À partir de la semaine prochaine, les Lutins de l'Enfer seront à 20h. Ah, c'est bien, hein. On est rendu position numéro 13 du côté anglophone, on va entendre Sub avec Looking Down. Mais juste avant ça, on va écouter Kaloum Saloum avec la pièce Ta voix partout. C'est extrait de leur EP Kaloum Saloum, mais ça se retrouvait aussi sur la compilation Québec émergent 2008-2009. Qu'on conseille à tout le monde s'ils veulent découvrir des choses qui jouent assez fou, tu sais. C'est rempli de plein de trucs qui jouent assez fou, cette compilation-là. Exact. Donc, on écoute Ta voix partout de Kaloum Saloum au palmarès C'est fou. Hein? Numéro 13. Aesop avec Looking Down. Position numéro 13 anglophone, ça monte de la 17e place. Il avançait avec Alun Saloon avec la pièce Ta voix partout. Il était au festival country, au festival western de Saint-Tite la semaine passée. Puis c'est pas fini encore un festival. Ça dure toute la fin de semaine. Vous avez encore le temps d'aller vous éclater avec les cowboys. Vous appelez ça le festi-cheval. Ou le festival. Tu peux aussi. C'est comme un petit surnom cute. Toi aussi, tu dis les festivaux. Oui, les festivals. Moi, je trouve ça complètement illogique que ça se dise pas. Fait que je me dis, je vais le dire, puis à un moment donné, ben ça deviendra la norme, puis j'aurais été dans les premiers à le dire, puis je vais pouvoir m'enfiler la tête. Ben, c'est une belle figure de style, puis en même temps, je te suggère, ici, lorsque tu parleras des festivals western, d'écrire festivaux avec V-E-A-U à la fin. Ah. Comme si il va y avoir encore une thématique western. Animal de ferme. Ben, oui, voilà, ah, ben oui. Ah, ben, Colin, j'avais pas vu ça de même, tu sais. Ah, ben, Colin de Colin. Hein? Bon, donc on est rendu aux positions numéro 12 déjà. Du côté anglophone, la 12e, c'est Dreadnoughts avec Huttress. Et ça monte de 4 places. Mais pour l'instant, on va aller écouter la 12e francophone. Ça passe de la 20e à la 12e. C'est seulement sa deuxième semaine à Damien Robitaille avec la pièce Homme autonome. Tel un étalon, ce Damien Robitaille. Ah, OK. Je le connais pas aussi intimement que ça. Moi non plus, mais je suis sûr qu'il apprécierait le compliment, ça. Sûrement. Vous êtes vraiment assez fou au 89.1. Et comme ça, je suis devenu un grand. Je fais tout, tout seul, seul comme un grand, grand comme un homme autonome. Je fais tout, tout seul, seul comme un grand, grand comme un homme autonome. Ooh, yeah. Condition héréditaire, ma famille, c'est une bande solitaire. Plus de 5 générations, nous n'avons eu aucune réunion. Je fais tout, tout seul, seul comme un grand, grand comme un homme autonome. Je fais tout, tout seul, seul comme un grand, grand comme un homme autonome. Un maniaque, autodidacte, libre comme l'air. Célibataire, je ne reçois qui que ce soit. Tant que je gueule, je reste seul. Je pleure seul, je pleure seul, je Damien Robitaille, la pièce s'appelle Homme autonome, ça monte directement de la 20e, c'était nouveau la semaine passée. Et Caroline, quand ça monte vite, ça a franchi la moitié du palmarès d'un pas, ça. Il l'a fait tout seul comme un homme autonome. Non? Oui, oui, tout, ben, tout à non. fait. Il n'a pas eu besoin de se faire sacrer un coup d'un fesse. Coup d'un fesse, là, c'est douteux après la façon que tu l'as qualifié tantôt. De bien membré. Ouais, c'est ça. Mais ben là, on parlait du Festival Western, c'est pas ma faute. C'est la fin de la première heure des Palmarès, c'est fou. On se retrouve pour une deuxième heure tantôt. Il va y avoir, entre autres, la musique de The Junction, Metric et Dime Mannequin. Ouais, il va y avoir aussi du Mel Monarch, du Yann Perrault, du Au Bijou. Et du Kiwan et Mathieu, parce que c'est ça qu'il faut dire le plus souvent. C'est nous, ça. À tantôt! C'est la deuxième heure des palmarès pour la semaine du 18 au 24 septembre 2009. Le savais-tu? Oui, effectivement. Nous sommes dans la deuxième heure des palmarès du 18 au 24 septembre 2009. Et ton nom est Kiwan La Libertaire. Ça aussi, je savais. Et tu t'appelles Mathieu Plante. Et on est rendu à la position numéro 12 anglophone. Oui, on est rendu à Dreadnoughts. On écoute tout de suite Hotris qui monte de 4 places. T'es au courant de tout. Finalement, je pensais que tu savais rien. Mais en fin de compte, t'es plus au courant que moi quasiment. Fait que... T'as des belles feuilles toi aussi, on a les mêmes feuilles. With bullets in the palm, a quarter after six. Ambled up to the bar, to order up the drinks. Said, whoa, I see you. Hotress, don't you understand? Now I've been all over the world, sitting on the map. But I've never seen a lady, or the angel at the top. Don't you understand? Now it's a long way to Kelowna, and I walk the whole night through just to be the one together in the sun with you. Don't you understand? So break me, knock out blue. Bodies are the tu connais ça, ce qui n'est pas original, toi, finalement. Rien à trouer le cul, disons, là. Mais moi, en tout cas, s'il y a une place que je ne vais pas me faire trouver, c'est bien là. C'est bien là. Hey, on vient d'entendre Dreadnought avec la pièce Hot Rest. Et puis, c'est encore loin, mais tu sais que Dreadnought vont être de passage à Trois-Rivières un jour avec Creepshow. Creepshow qui est un groupe qui a déjà eu une pièce dans le palmarès ici, c'était en 2008. Run for Your Life. Run for Your Life, exactement. C'était très bon ça, Creepshow. Ouais, les deux groupes qui viennent de la côte ouest américaine. Et ils font un petit voyage à Trois-Rivières. La côte ouest canadienne, en fait, ouais, c'est le groupe de Vancouver. Ils font une tournée du Canada présentement. Ils partent la semaine prochaine en Colombie-Britannique. Traversent tout le Canada au complet pour finir à fin novembre. En fait, le dernier spectacle de leur tournée canadienne, c'est à Trois-Rivières, c'est le 15 novembre. On est donc privilégiés. Ils vont peut-être être maganés un peu rendus là, mais bon, ça fait partie de la vie du rock and roll. Ouais, peut-être que leur voix va être rock and roll après ce voyage-là. bien sûr. C'est Montréal Giga. Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté Gros Jambon, par exemple. Gros Jambon. Hey, ça serait le fun de la réécouter ce soir. Peut-être tantôt. Hein. Peut-être on verra. C'est une pièce que Réal Giguère a écrite. Ouais. Allez chercher ça, Gros Jambon. Bref, on est rendu aux positions numéro 11. Maintenant, du côté anglophone, on retrouve The Junction avec No Road. Ça monte d'une place. Ça monte tranquillement, ça. Du côté franco aussi, ça monte d'une place. C'est Vincent Vallière avec la pièce Sortir du bois. C'est extrait de son tout nouvel album, Le Monde Tourne Pas. Mais avant d'entendre Vincent Vallière, avant, parle-nous donc d'une entrevue qu'il a fait récemment sur les ondes de C'est fou. Ben oui, tu sais, Vincent Vallière, il était ici le 8 septembre dernier, je crois. Il était en entrevue et prestation, puis c'est assez impressionnant d'ailleurs en prestation. Ben moi, je l'ai pas vu, mais tu sais, ce qu'on m'a raconté, puis de toute façon, juste en l'entendant, parce que je savais qu'il était tout seul ici, puis il joue de la guitare et de l'harmonica en même temps, avec le genre de petits trucs qu'il y a dans son cou pour tenir l'harmonica. Ouais. Il chante, joue de la guitare, joue de l'harmonica, c'est vraiment impressionnant. Puis en plus, ça sonnait tellement bien la prestation qu'il a faite ici. Et ça, c'est disponible sur le www.cfou.ca dans la section balado-diffusion. Ah que c'est beau. Malade, hein? C'est super. On s'en va l'entendre avec Sortir du bois. C'est notre ami Vincenzo Valieres. Ouais, comme renommé récemment, rebaptisé sur les ondes de C'est fou ici récemment. Ben, tu sais. C'est un pseudonyme. Reste un bout à faire avant d'arriver. Me boire ben une bière, mais faut continuer. Ouais, faut continuer. Et quand les teints sont gris et que tout me désole, je sors la guitare et puis la musique me console. Je m'en vais sortir du bois, t'auras jamais vu ça. Je crois très fort. numéro 11. Junction et No Road, 11e position anglophone, ça monte d'une place. Et avant ça, on avait entendu Vincent Vallière avec la pièce Sortir du bois. Vincent Vallière qui a commencé à annoncer quelques dates là, pour son nouvel album, nouvelle tournée. Les dates commencent à sortir, mais il n'y en a pas énormément encore. Et rien, toujours pour Trois-Rivières. Bon. Donc, pourquoi est-ce que t'en parles, Kiwan? Question et réponse. Ben, c'est ça pour stimuler les gens, pour qu'ils aient le goût d'aller le voir, pour qu'ils créent la demande à Trois-Rivières. Écrivez-lui sur Facebook, sur MySpace, et viens dans Trois-Rivières, peut-être qu'un jour il va venir. Et voilà. Hein, faut demander pour avoir dans la vie. Tu sais, tu peux pas juste attendre les choses, Kiwan, arrête-moi ça, là. Moi, je suis proactif. Ouais. Garde-moi à l'eau. T'as l'air plutôt paresseux en tant que gardien, mais sinon, non. Pourquoi tu dis ça? Je te renvoie des commentaires que je pense de moi-même. Ah, ok. C'est un peu ça, c'est comme de la réflexion. J'utilise mon miroir, comme on dit. Comme à Ultimatum. Ultimatum, caline de souvenirs, ça. Hein? Ça fait comme quoi, 10 ans? Hein? Avec Yvan Ponton. Je sais plus. En tout cas, on est rendu au position numéro 10. Tiens, du côté anglophone, on retrouve The Mannequin. Avec Bad Medicine, ça monte de 5 places. Mais tout de suite, on va écouter la 10e francophone. Ça monte de une place. C'est le groupe Le Nombre avec la pièce Couleur naturelle. Et vous êtes au palmarès, c'est fou. Un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. C'était très robotique, ça. Assez. C'est sur les ondes de C'est fou au 89.1 FM. Ça, c'était trop enjoué. Trop enjoué, on va dire plus plate un peu, genre. Vous écoutez les palmarès, c'est fou au 89.1 FM. Non? Parfait, ça. D'accord. Tu changes et tous les jours change à ton discours. Épouse la cause populaire. Elvis. Trash pour être trash, si je voulais être trash pour être trash, j'irais fouiller. Tu serais boire, ouais, c'est ça. Exactement. On vient d'entendre la formation The Mannequin avec Bad Medicine, ça monte de 5 places en 10e anglophone. Ouais, un groupe de Toronto qui a vraiment beaucoup de fans ici au Québec. Très bon. Oui, c'est bon. Puis ils vont être en spécial en plus bientôt ici à Montréal et à Québec, les 22 et 23 septembre en fait, 22 au Centre Bell et le 23 au Pavillon de la Jeunesse à Québec, donc c'est la semaine prochaine. Ça, 22-23 septembre, c'est très bientôt. Quand tu dis en spécial, c'est qu'ils vont tout couper le monde en deux, puis ils vont... J'ai dit en spécial. C'est à moitié prix. J'ai dit en spécial. J'ai dit en spécial. Ah ben ça, c'est en spectacle. C'est drôle, ça. Fallait le dire. Ouais. Vous êtes au premier, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir et des meilleurs lapsus, des fois. C'est très, très drôle, ça. Les lapsus, là, c'est tellement drôle. J'adore ça. Ça, puis les silences inconfortables, tu sais. Ah non, on va pas retomber dans nos anciennes habitudes de silence inconfortable. Ça faisait longtemps. Mais maintenant, on pourrait faire des lapsus. Un lapsus à l'heure, mettons. Un par heure, OK. Ben c'est une bonne moyenne au bat. Genre. Il faudrait essayer qu'ils soient discrets et que les gens puissent pas les distinguer. Ouais. C'est un défi. Bon, ben, pour quelqu'un de pas distingué, ça devrait bien fonctionner pour toi. Hein? Oh, ça, c'était pas un lapsus, c'est juste un mauvais jeu de mots. Hein? OK. On est rendu aux positions numéro 9. Du côté anglophone, on trouve Band of Skulls avec Fires, qui monte de la 14e place de ma voix de Kermit, ce Fires. It's not easy being green. Oh,

Ils sont bien fins, mais on peut pas leur faire confiance. C'est pas tout le monde, tu sais. Ouais, mais est-ce que ce sera assez? Ah, ça, par exemple, c'est un très bon point. On vient d'entendre la formation Metric avec Gold Guns Girls qui monte de la 13e à la 8e position anglophone. Oui, puis avant ça, là, longtemps, là, avant la pub, on avait entendu Ludopin, Pain, Pan. Pain Bêche en mission. C'est trop. Pain Bêche en mission. Ludopin Bêche en mission. Ouais, peut-être. Il me rappelle le nom de la nouvelle émission. Ouais, c'est une bonne nouvelle émission. Ça, c'est les jeudis à 17h. C'est rempli de très bons choix musicaux alternatifs. C'est vraiment très, très, très, très bon comme émission. C'est les Pain Bêche en mission. C'est les jeudis de 17h à 18h. Ouais, très bonne sélection musicale. Juste après. Si avant, que tu m'interrompes sauvagement. Je suis en train de parler de Ludopin ou Ludopin qui est un artiste français. Encore une fois, vous aurez peut-être remarqué son accent. Par son accent. mais c'est ça, il va être en spectacle au Québec. Il s'en vient au Québec au début du mois d'octobre. C'est quand même donc, c'est bientôt en fait, le 2 et 3 octobre. Là, c'est comme dans une semaine ou deux. Il va être à Québec au Sacrilège et il va être aussi tout près d'ici à Shawinigan à la salle Philippe Filion parce qu'il fait la première partie de Ariane Moffat. Donc, samedi le 3 octobre. Mais... je vous invite à aller à Shawinigan voir le spectacle d'Ariane Moffat et en même temps découvrir Ludopin parce que c'est vraiment un très bon artiste. Mais moi, personnellement, dans mon cœur, il y a une autre option le 3 octobre que je pourrais pas manquer. C'est un spectacle de Vanessa Pariétaire, mais on s'en reparle. clin d'œil. On s'en reparle tellement. Bon. D'accord, vous êtes au palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. 18h37, les choses avancent. On a passé le point de sauvegarde du palmarès, on a dépassé la moitié. On est déjà rendu aux positions numéro 8 du côté anglophone. Il va y avoir un match. Regardons ça. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Je pense que je me suis mêlé, mais c'est pas grave. Malajub, tout de suite. Malajub, puis on va entendre la 8e anglo après, c'est Band of Skull avec Fires. Ah, ben oui, ben dis de même. Ça a l'air d'avoir du sens comme ça. Et voilà. Key One. numéro 8. Comme essayer d'enlever toutes les obscénités que tu disais dans l'émission pour la rediffusion de tantôt. Ouais, quand c'est pas vulgaire. Mais il reste-tu quand même il en reste assez pour faire toute l'heure? Ben, l'émission dure 12 minutes. Ouais, le reste, c'est des pubs tout le long. T'sais. Bref, il y a une rediffusion de La Dernière Porte à Gauche ce soir à 20h avec Kiwan qui est maintenant rendu le mardi. Oui, mardi à 17h, mais exceptionnellement cette semaine, vous pourrez encore entendre vendredi à 20h La Dernière Porte à Gauche pour la dernière fois de votre vie peut-être. Oui, parce que la semaine prochaine, les Lutins de l'Enfer vont reculer d'une heure à 20h au lieu de 21h, donc soyez au rendez-vous. Ce qu'on vient d'entendre à la radio dans les palmarès, c'est fou, c'était la formation Band of Skulls avec Fire Zazazazazazaz. Oui, exactement. C'était la 8e position anglo. Donc, j'imagine qu'on avait entendu avant ça Malajub et la pièce Cristobal. Fort potentiellement, je dirais. Quand même. On continue par Marassifou avec les positions numéro 7 du côté anglophone. On trouve The Dead Weather avec Hang You From The Heavens qui monte de 3 places.

to the devil. I never know why I push you. Trust you just to confuse you. I make a hole just to see how. See through clean, I can trust you. I like to grab you by the hair and hang you up from the heavens. Moi, mettons que, tu sais, si Dame Nature se faisait manger par un ours, mettons, puis qu'on se ramassait avec une météo morte, dead weather, ça me dérangerait pas trop ce soir. T'sais. Ah non, t'aimes pas la météo aujourd'hui? Ben, en tout cas, tantôt, c'était pas si pire. Ouais, c'est vrai. Ben non, mais c'est pas super aujourd'hui. C'est super automnal. Ça sent l'automne dehors, ça sent les feuilles mortes. C'est vraiment. Moi, j'aime ça. C'est ma pas encore préférée. Senti. Moi aussi, l'automne, l'odeur de l'automne, c'est vraiment magique, mais pas encore à date. Mais. Ouais. Ça sent bien. C'est intéressant, on parle de météo comme ça. Je sais pas pourquoi ils font ça partout, hein. La météo. Parler de météo, c'est vrai que c'est poche quand même. Hein. C'est tellement plate, je veux dire. Si on s'en fout, ouais. On le voit. Puis tu sais, en même temps, tu sais, tout le monde dit toujours ça. Hein. On vient de parler que l'automne, c'est notre saison préférée. Puis tout le monde, je pense que c'est l'automne. L'automne, c'est la saison préférée de tout le monde. T'sais. Puis tout le monde se sent comme un petit peu underground. Puis tu sais, comme spécial de dire, moi, ma saison préférée, c'est l'automne. Parce que c'est tout le monde aime l'été. Pas l'hiver. Non, non, moi, c'est l'automne. Mais tu sais, finalement, tout le monde. Y a-t-il quelqu'un qui aime pas l'automne? Personne n'aime pas l'automne. Tout le monde adore ça. À part quand il pleut. Ouais, non, non, même. Mais, non, moi, non, j'aime non. bien quand il pleut, mais faut que je sois à l'intérieur. Ah, ok, ouais. Ça, j'aime ça. Ok, fin de la parenthèse météo. Vous êtes pas mal assez fous et on parle pas souvent de météo ici. On va essayer de pas faire ça trop souvent. On vient d'entendre The Dead Weather avec Hang You From The Heavens et c'est le nom de l'artiste qui m'a fait parler de météo. Ça monte de 3 places. Et avant ça, on avait entendu Les Fatal Picards avec la pièce Le Combat Ordinaire. Puis t'as souvent écouté un peu, là, des fois, les paroles de la pièce Le Combat Ordinaire. Oui, papa. Exactement. Puis qu'est-ce que ça te fait penser quand t'entends papa? Ça te fait penser. Carl-Éric Hudon. Parole engagée. Oui, Carl-Éric Hudon aussi. Mais tout de suite, moi, j'entends parole engagée parce que c'est un slogan qu'on entend souvent dans les manifestations. Papa. Pour vrai, je savais pas. Non, non, c'est pas vrai. Non, mais pour vrai, les paroles de la chanson Le Combat Ordinaire, c'est des paroles engagées. Puis moi, je pensais, tu sais, parce que je connais à peu près juste cette pièce-là qu'on entend souvent ici, je pensais que c'était un groupe pas mal engagé. Tu sais, je trouvais que c'était un peu dans le thème, là. Je trouvais que c'était un peu dans le même style que Trio, Les Cowboys Fringants. Mais avec une musique qui est vraiment différente. Puis quand on cherche un peu sur Internet sur les Fatal Picards, regardez sur YouTube les Fatal Picards, vous allez voir plein de vidéos humoristiques. Puis vraiment, quand on regarde sur leur MySpace aussi, ils se décrivent comme un groupe humoristique. Donc, c'est bizarre. Je pense que peut-être que la pièce Le Combat Ordinaire n'est peut-être pas si représentative de l'œuvre en général des Fatal Picards, mais peu importe, c'est vraiment très bon. C'est un bon groupe. Oui. Tout simplement. Absolument. Disons que l'attirance est fatale. Fatal Attraction, c'est un... avec chose. Hey, ça donne vraiment bien quand on pogne le fin de la trame sonore puis que tu lâches une joke plate en même temps, une joke qui rate complètement, qui tombe à plat, puis la musique qui arrête. Sérieusement, je pourrais penser que tu as prévu ça puis que c'était comme une mise en scène, un genre de mascarade. Mais non, moi, je peux vous confirmer, chers auditeurs, que c'était vraiment pas arrangé, ça a donné comme ça. Et les criquets qu'on entend aussi sont juste bien arrangés dans le coin. Il y a littéralement des criquets. Ouais, c'est pas très propre. C'est vraiment sale. Non, sans blague, c'est très, très propre ici. On remercie le service de conciergerie de Ben oui, ils sont super sympathiques. En vraiment. Plus, ils viennent nous porter des bonbons des fois. Donc arrêtez de penser que c'est ironique quand on dit ça. C'est très propre ici. C'est vrai. Bon. On est rendu aux positions numéro 6. Tiens, du côté anglophone, on retrouve Damon Thier avec Bronze Age qui monte de deux places. Mais du côté francophone, tout de suite, on écoute Le Roi Poisson avec Chien Galeux. C'est stable à la sixième place. Vous êtes au palmarès, c'est fou. Au 89.1 FM. Oh que oui. C'est ça. Au 89.1 FM. C'est la radio campus de Trois-Rivières. C'est juste à côté du 90, à peu près. Un peu plus à gauche. Jusqu'à temps que t'arrives. Allez, là, 7 sur le piton, comme on dit en anglais. 7 in the piton. Les chiens galeux, les chats de gouttière. Je suis fou d'eux. Les chiens galeux, si merveilleux. Je suis fou de leurs survitraux. En une fraction de seconde, ils reflètent une de ces libertés que l'on se plaindre, une vie dans l'ombre fait son chemin sans qu'elle gronde. Mais du vivant dans du mourant, le regard vide, ce que je sais, c'est qu'ils se parlent, ils se connaissent et ils sont libres. Je suis fou de leurs yeux vitreux. En une fraction de seconde, ils reflètent une de ces 6. Quand t'as un public qui t'aime puis que ton public t'aime, tu sais, tu peux aller loin avec ça. Tu regardes nous autres, pas ça ben ben. Tant que, moi je dis tant qu'il y a de l'amour, sky is the limit. Puis continue à travailler fort. Oui, crème glacée aux pistaches. Tu vois, ça résume bien l'essence de la vie. C'est ça. Parce que sans pistache, t'as pas de crème glacée. Sans crème glacée, t'as pas de pistache. Ah, tu vois, c'est le cycle de la vie. It's the circle of life. Bon. Voilà qui est dit, on vient d'entendre Demonty avec l'excellente, j'adore cette pièce-là, Bronze Age, ça monte de deux places en sixième anglophone. Ben oui, il était au Québec hier, il était à Québec hier pour le lancement de la programmation de notre station cousine, Shiz. Presque sœur même. Presque sœur, on a des bonnes relations avec Shiz, on a des émissions produites là-bas qui sont diffusées ici, une en tout cas, récemment il y en avait une encore en tout cas. Puis c'est ça, il était pour le lancement, il était là pour le lancement de la programmation de Shiz hier. Puis là tu vois, ils s'envolent aujourd'hui pour les États-Unis, puis ils partent pendant un mois, vont faire le tour des États-Unis. Ils sont big. Ils sont vraiment très, très big. Très gros. Puis pour faire le lancement de Shiz, Shiz, qui donne des personnalités. Des personnalités. Shiz Wiz, ouais. Personnalité. Hey! Choqué. Démontier, donc c'est très très bon. Avant Démontier, on a entendu nos très bons amis aussi du Roi Poisson avec Chien Galeux qui est stable. Exactement, puis je te dirais qu'on est dans la stabilité pas mal du côté francophone. Dans la stabilité. Dans la stabilité. La stabilité. C'était un peu honteux, hein? Ben oui, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux? Quand il y a de la stabilité, il faut le souligner. La stabilité. Il n'y a pas plusieurs façons là, de souligner ça, là, autant de stabilité. À part que par cette chanson-là, qui est le thème officiel de. C'est l'hymne, en fait. C'est l'hymne de la stabilité. C'est l'hymne de Dion. Donc. j'essaie de nous sortir de ce trou. Mais moi, j'essaie de souligner la stabilité. Tu pèltes par-dessus. Bon, ben let's go, on va s'en aller en musique, je pense. C'est à cause du Chien Galeux que j'aime pelter, puis le Festival Western. Ah, c'est vrai! Tu peltes du Western. Ouais. J'avais oublié. Hey, qu'est-ce qu'on va aller écouter maintenant? On est rendu au position numéro 5. Position numéro 5, oui. Donc du côté anglophone, on va aller écouter Mastercraft avec 1000 Cigarettes. Mais tout de suite, on va aller écouter le groupe Chinatown. Du côté franco, c'est stable. Tu vois, quand je parlais de stabilité, c'est parce que ça n'a pas bougé en cinquième position. La pièce du jazz avec l'Apocalypse. Puis d'ailleurs, ça fait 9 semaines que c'est sur le palmarès. C'est fou. Et c'est présentement ce qui leur confère la position de doyen du palmarès. Chinatown sont les doyens. Ils sont avec 9 semaines. Ils sont la pièce qui a duré le plus longtemps. Et on écoute ça tout de suite, du jazz avec l'Apocalypse de Chinatown, la 5e position francophone. De la durabilité. Vous êtes pas là, c'est fou, 89 feux. Quand le ciel est bleu, la mer est calme, tu fermes ta gueule et tu rames sur les radeaux d'inconvenance, ton héritage américain. Dans la rue, c'est différent, ça roule, tu lèches les nuages indigestes. Un petit sourire dans la foule, moi fermé au fond de ta veste. Tu joues du jazz avec l'Apocalypse. Au milieu de la cité, tu joues du jazz avec l'Apocalypse. L'éclipse comme une tasse de thé. Sous les ponts, y'a des oiseaux inquiets qui parlent de déménager pour la plus proche nébuleuse et conquérir la Voie lactée. Soir sorbet carbonisé, fondant l'horizon démentiel, tu piques à travers les ruelles. Tu joues du jazz avec l'Apocalypse. Tu vois l'éclipse comme une tasse de thé. Dans tous les sens, y aurait du café dans la fusée, des conversations impudiques sur les terrasses ensoleillées. Tu joues du jazz avec l'Apocalypse. Au milieu jeudi jazz avec l'apocalypse. Tu bois l'éclipse comme une tasse de thé. Retour à la musique de Mastercraft, The Doves et la patin rose au palmarès. C'est fou, restez avec nous. C'est fou dans la tête. C'est fou 89.1, la scène émergente. Numéro 5. Symbiose, convergence, bang, trou de bang. Trou de bang dans le bang. C'est pour ça qu'il appelle ça un trou de bang, finalement. Oui. À cause que c'était un trou dans le bang. Je voulais appeler ça une pâtisserie convergente, mais c'était pas si vendeur, c'était pas très sexy. Non, donc, c'est ça. Il faut un petit nom catchy. Timbit Munchkin, tu sais, non? Ouais. C'est ça. Non. On vient d'entendre la formation Mastercraft avec 1000 Cigarettes. Ça monte d'une place en cinquième position, je le fais. Oui, avant ça, avant la pub, en fait, là, très, très, très longtemps, on a entendu le groupe Chinatown avec la pièce du jazz avec l'apocalypse. Et puis, Chinatown font partie des groupes que Radio-Canada a identifiés comme étant les révélations, les sept révélations de l'année, de la saison 2009-2010. Parmi ceux-là qu'on connaît ici, disons, je dirais Marie-Pierre Arthur. Peut-être Guillaume Arsenault. Je joue un peu. Sinon, les autres, vraiment, je les connais pas, je vais t'avouer. Guillaume Arsenault, j'ai déjà entendu son nom. Marie-Pierre Arthur, on l'adore. Sinon, les autres, Chic Gamine, Brandy Dister Heft, Wesley et Valérie Milo. Ben, c'est des choses qu'on va devoir commencer à faire. Valérie Milo, c'est de l'art, par contre. Oui, c'est ça. Je pense que c'est une fille de Trois-Rivières. Oui, ouais. Super gentil. Oui, c'est vraiment impressionnant ce qu'elle fait. Et puis, donc, c'est ça. En fond, c'est des révélations pour l'année 2010. C'est normal qu'on les connaisse pas. Ce serait quelque chose à expérimenter pour l'année. On est à l'avance, mais quand même pas un an à l'avance. Ben aussi, tu sais, c'est des choix radio-canadiens, donc c'est peut-être pas non plus exactement dans le gap de C'est fou. Mais en tout cas, Chinatown en font partie. C'est ce que j'aime le plus là-dedans, là, avec Marie-Pierre Arthur. That's very good. Good, hein? Good, good, very good. Good, good, good, guten Tag. Hein, on apprend des mots, tu sais. On sait pas, on dit pas ce que ça veut dire, mais guten Tag. Ouais, c'est peut-être grossier, tu sais. C'est ça, arrivé à chier. Hein? Ouais, lo está loca. Donc, on est rendu au position numéro 4 dans nos palmarès. Et là, je regarde des deux côtés. En fait, je regarde des deux côtés en même temps. Avant de traverser la rue, il faut toujours regarder des deux côtés. Effectivement, Mathieu, c'était le conseil sécurité routière de la journée. Et faites vos stops. Voilà. Bon. Donc, des deux côtés, nos numéros 1 sont descendus en quatrième. Donc, on retrouve du côté anglophone, The Doves, avec Winter Hill. Et du côté francophone, La Marelle du groupe La Patate Rose. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des nouveaux numéro 1 des deux côtés. Ben, peut-être. Ben, assurément. Ou encore, peut-être qu'on n'a rien au numéro 1, peut-être que ça arrête au deuxième, on sait pas. Ah, peut-être, ce serait une belle surprise, ça. Toujours du suspense au palmarès, hein. Pour ça, vous allez devoir rester jusqu'à 20h. Et à 20h ce soir, pour ceux qui suivent encore à la maison, la dernière porte à gauche est une dernière rediffusion ce soir. L'émission est maintenant le mardi. Oui, dernière fois de toute la vie, vous allez entendre la dernière porte à gauche et vendredi à 20h, puisque la semaine prochaine, ça va être les lutins de l'enfer qui vont déménager, qui vont migrer un peu plus vers le bas de la grille. La plupart des gens changent leur horloge, la recul d'une heure en novembre, je pense, cette année. Mais les lutins, c'est des excentriques, donc ils font ça en septembre. Ils se prennent à l'avance, toujours. C'est à peine si leur eau dans la toilette ne vire pas l'envers comme en Australie. Ça. J'ai appris ça dans un épisode des Simpsons. Simpsons c'est, même pas oui, vrai, c'est un classique, ça. C'est un classique des Simpsons. Il pleut des grenouilles, je pense aussi. Ouais. Hey, la patate rose, la marelle. Vous êtes pas marelle, c'est fou! Dans vos oreilles! Au 89.1 FM. Et ça, là, Kiwan, je sais pas si tu sais, hein, c'est la radio campus de Trois-Rivières. Eh hey, ben, Karine, le lecteur veut vraiment pas prendre la 5, ça. Ah! Hey, 89.1 FM! Yeah! C'est de la boulette! C'est cuit en mouvement croisé. numéro 4. parce qu'on écoute pas que, t'sais. Que c'est pas sur la coche. Que c'est pas sur la carte. Comme le solitaire. Comme moi, bientôt. Solitaire. Solitaire? Oui, c'est, effectivement. On vient d'entendre la formation de Doves et Winter Hill. C'est l'ancien numéro 1. C'est maintenant en quatrième position. Et ça fait 8 semaines que c'est là. Donc, ça a monté au numéro 1. Ça a redescendu. Peut-être que ça va remonter. Puis redescendre. Puis qui va la chasse par sa place. Peut-être. Juste avant ça, on avait entendu aussi l'ancienne position numéro 1 francophone. C'était la Patte Rose avec la Marelle. Et puis, la Patte Rose qui est formée en partie de gars de Mister Valère. Savais-tu que Mister Valère sont en présentement, ou en tout cas récemment, étaient dans... en France pour un festival là-bas, dans, je ne sais plus dans quel village, mais en tout cas, tu vas faire un tour sur bandeapart.fm dans la section blog. Là, ils ont rempli la boîte vocale de Bande à part avec des messages complètement pas rapport. Tu sais, c'est genre de soirée, là, de gang, où tu te saoules, tu te maganes, puis là, tu décides de faire plein de conneries. Puis là, ben, tu décides d'appeler dans une radio québécoise pour remplir leur boîte vocale. Tout en te doutant pas que les autres vont tout mettre ça sur le web. Mais c'est génial comme c'est, idée. C'est tout disponible. Tu peux entendre les messages des gars un peu mêlés à 2h du matin. Mais tu vois, moi, Bande à part, je pense que je démissionnerais de ma job et de la radio pour pouvoir écouter Bande à part.fm toute la journée. Parce que c'est vraiment tout le temps bon. C'est de valeur qu'ils payent pas hein, pour, écouter leur, pour écouter ce qu'ils font. Faudrait, hein? Mais ils ont pas besoin. Là, ils n'auront jamais besoin de payer les gens. Fait que c'est pour ça qu'on a aucune chance d'avoir comme job un jour écouteur de Bande à part. On ne peut que rêver. Ah. Que voulez-vous? Non, mais bandeapart.fm, merveilleusement parfait. Ouais, ouais, allez écouter les délires de Mister Valère. Et plein de pièces de plein d'artistes en exclusivité sur leur site, donc c'est bien. Mm-hmm. Bon, mais c'est fou, est aussi là pour la nouveauté. Et nous aussi, on joue des choses comme à Bandeapart. Ben oui, on est bons, nous autres aussi. C'est ça, faut pas douter. Tiens, on a des pubs et des bus. Fait qu'on est bon. On est rendu aux positions numéro 3. Du côté anglophone, c'est de Mars Volta qui monte d'une place avec Halo of Nembutal. Et tout de suite, on va écouter du côté francophone Yann Perrault qui monte de 5 places. Il passe de la 8e à la 3e et ça fait seulement 4 semaines que c'est là. Donc, ça sent la première position pour Yann Perrault avec la pièce « Conduis-moi ». Vous êtes au Palmarès, c'est fou! Au 89.1 FM. S'est arrêté au-delà des mars et marées habitées à l'extrême des pôles d'inamité. Conduis-moi où le vin devient du bon miel entre les marais de Jean-Henri Bambelle, au creux de nénuphars irréels. Conduis-moi, ne t'arrête. Des nuits folles et délirantes sous les ponts de la liberté. L'eau est si bonne en équilibre sur le fil de la confiance que tu me donnes au sein même d'une étoile et bienveillante. Conduis-moi où le sucre casse son sel entre les forêts de vin en ribambelle, aux confins des abîmes de gel. Conduis-moi, allez. À la cime des montagnes où le temps s'est arrêté. Au-delà des mares et marées massacrées à l'extrême des pôles, dynamité. Conduis-moi au devin, deviens du bon miel entre les marées de Jean-Henri Bambelle. Au creux de nénuphars irréels, aux confins des abîmes de gel, conduis-moi. Qu'elle avait des grosses lunettes, parce qu'elle avait aussi un gros nez, parce que c'est peut-être un costume pour te berner aussi. Ouais, peut-être, mais il existe vraiment des extraits de hip-hop et rock sur YouTube. T'es sérieux? Ça, c'est malade, mental. Hip-hop et rock. Vraiment malade. Wow. On vient entendre Yann Perrault et au retour, restez là parce qu'il y a The Mars Volta, Hobie Jou, Mille Monarques, et on va découvrir qui sont nos numéros 1, tu sais. L'espace. 89 1 1 1. Numéro 3. Avant que vous posiez des questions, il y a vraiment une pièce qui joue. Elle commence très lentement et vous êtes au palmarès, c'est fou. Hip-hop et rock. C'est juste que je replace le mot hip-hop et rock. Ouais, donc c'est pas une pièce des Stardust qu'on entend là, c'est plutôt. C'est Mars Volta. Ouais, avec daughters become Mars Volta et Halo of Nambutal qui montent d'une place en troisième position anglophone. Et oui. Et que oui. Avant ça, on avait entendu la troisième franco. C'était Yann Perrault avec la pièce Conduis-moi. Ça passait de la huitième à la troisième. Vous êtes au Palmarès C'est Fou, un condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. Les Palmarès C'est Fou qui ont un site web, Anki1. Oui, c'est le assemblagerequis.com. Vous pouvez y trouver les balado-diffusions de toutes les émissions, de tous les palmarès, les émissions Assemblage Requis, qui sont les émissions quotidiennes du retour la semaine. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi? C'est Tennis.zip et puis la dernière porte à gauche. La dernière porte à gauche, et voilà. Tout est là sur assemblagerequis.com. Yeah. C'est une belle place, sympathique et remplie de bois. Hein? De Donc, bois, oui. Ceux qui aiment le bois peuvent se retrouver là-dessus. Mm-hmm. Pour les amateurs. Parlant d'assemblagerequis.com, ben c'est ça, on anime l'émission du retour qui, Juan et moi, ça s'appelle Assemblage Requis. C'est du lundi au jeudi à 15h. Là-dedans, il y a des chroniques tellement intéressantes que ce soit les mythes du rock'n'roll, la chronique politique, il y a les sorties alternatives, et puis il y a de la musique à télécharger et à écouter. Et même une chronique plein air prochainement. Oui, ça va être tout nouveau, ça, à partir de la semaine prochaine, et sûrement d'autres qui vont s'ajouter d'ici la fin de la saison et d'ici la fin de l'éternité, parce que nous, on anime pour le reste de l'éternité, fait que, pour vous dire comme ça. Et puis, c'est ce qui serait vraiment cool, Mathieu. Je sais pas. Que tu mettes un lien pour aller voir des vidéos des pop et rock là, okay. sur l'assemblagerequis.com. Mmh. Vraiment, ça serait malade parce qu'on est en train de regarder ça. Tu connaissais pas vraiment, en fait, c'est quoi les pop et rock, là, une espèce de comédie musicale, téléroman des années 80 qui jouait à TVA, Télémétropole, même dans le temps, avec des coupes de cheveux hallucinantes. Du fluo partout. Du fluo, des shorts beaucoup trop courts. Avec des points, des poids dessus. Puis avec Guillaume Lemaitre-Vierge qui a à peu près 8 ans, donc c'est toujours un hit. Là, quand tu mets la face du petit Guillaume, ça marche assurément. Que de beaux moments. Donc, Hip-Hop et Rock, oui, je vais aller mettre les liens là-dessus tout de suite sur assemblagerequis.com. Rendez-vous là dans quelques minutes à peine et ça va être là. Yes. Alors que nous, on s'en va entendre les positions numéro 2. Hein, du côté anglophone, on retrouve Au Bijou avec Black Eyes, une pièce qu'on adore tous les deux. Ah oui, c'est ma pièce préférée du palmarès. C'est en deuxième position. Ça se dirige tranquillement vers la position numéro 1. Mais tout de suite, on va écouter Mille Monarques avec la pièce Rouge. Oh, palmarès, c'est fouge! Dans vos oreilles, je... Moi, un peu moins, mais quand même. Ta langue de bois, parle-moi de mensonge, on s'énerve. numéro 2. Position. Hey, Éléphantine, les grands champions du palmarès francophone cette semaine avec la pièce Une clope, un café. Puis c'est tellement mérité, c'est tellement bon cette pièce-là. Puis l'album au complet est vraiment très bon. J'appelle Le Bonheur en 3D. Le Bonheur en 3D, exactement. Puis on va continuer à surveiller les spectacles. Et en fond, de plus en plus, des dates s'ajoutent par-ci, par-là, même pas encore à Trois-Rivières. Message, message. Message, pourtant, avec des membres de la région, à un moment donné. Trois-Rivières s'en vient. Ouais, ils sont originaires d'ici, là. Il y a des plus dans le coin, mais je suis sûr qu'ils vont passer bientôt à Trois-Rivières. On va se quitter dans quelques minutes avec le numéro 1 anglophone. C'est Steve Hill and the Majestics avec Lost Woman. Ça monte d'une place. C'est le grand numéro 1 anglophone de l'album Damage Done. Mais nous, par contre, c'est la fin des palmarès en ce moment. Donc, on se quitte pour une autre fin de semaine. On se quitte. C'est un petit peu rough, là, Mathieu, que tu nous balances ça comme ça. Première position, sans aucun jeu de mots poche, sans aucun malaise. Je comprends qu'on est un peu serré dans le temps, mais bon. On peut pas tout avoir, Kiwan. Je pense que t'aurais plus de force. Hein. Le mal est fait. Bon. The damage done, le mal est fait. C'est mon jeu de mots de la semaine. Ça. Et voilà, merci Mathieu. Tu pensais que t'avais perdu quelque chose, ma chère femme? Ben non, je l'ai retrouvé. Lost Woman, ça. Non? Bon, les jeux de mots, c'est assez. C'est tout pour aujourd'hui. Il y a une édition de La Dernière Porte à Gauche qui suit, mais c'est en rediffusion. Donc, Kiwan est en studio en ce moment, en direct le vendredi soir, là, à 19h57. Mais il est trop paresseux pour faire une vraie émission à 20h. Fait qu'on passe une reprise d'émission le mardi. Ben oui, parce que maintenant, La Dernière Porte à Gauche est mardi à 17h. Voilà. Donc, je vais aller écouter La Dernière Porte à Gauche. Là, et tu vas aimer ça. Ben oui. On est sûr que tu vas t'écouter, que t'aimes ça. Les Lutins de l'Enfer vont déménager à 20h à partir de la semaine prochaine. Mais ce soir, ils sont encore à 21h. Donc, restez avec nous pour les écouter. Et jusqu'à la semaine prochaine, nous on se retrouve lundi à Assemblage Requis. Lundi à 15h pour Assemblage Requis. Et les autres quotidiennes, la pilule du lendemain et le dîner de cons seront là aussi lundi. Bye Kiwan! Bye! Bonne fin de semaine! Can't